Il est pas comme les autres, il a un vrai charisme. Pas de ceux qui parlent, il est de ceux qui agissent. Il a demandé ma main, il allait voir ma mère. Il veut nous tirer vers le haut, nous sortir de la merde. Quand il a dépendé au vin, super héros. Je me souviens du jour, il a demandé mon numéro. 1+1 ça fait 2, 8+1 ça fait nous. On est parti de rien, et c'est ça qui fait tout. Je sais que c'est compliqué, les gens me comprennent pas. Mais je peux pas t'expliquer, tout ça, ça se contrôle pas. C'est parce qu'il est comme moi, il est comme moi, que je le veux pas pour toi, je le veux pas pour toi. Et quand je parle dans ta tête, ça rentre par la gauche, ça ressent par la droite, ça ressent par la droite. C'est parce qu'il est comme toi, il est comme toi, que je le veux pour moi, je le veux pour moi. Quand tu parles dans ma tête, ça rentre par la gauche, ça ressort par la droite. Je vois tous mes défauts, je vois toutes tes qualités, tes défauts, je suis dans la vérité. Je vois tous mes défauts, je vois toutes tes qualités. Pirates, ouais, le dernier des pirates. Pour me ranger, oh, il a fallu un miracle. L'ego c'était mon dada, derrière moi j'ai des cadavres. J'étais pas un gars fidèle, pourtant j'étais un gars brave. Je veux t'ouvrir les yeux, t'es prête à tout donner. Ah, t'es dément, mais t'as le dos tourné. Une Kaira 2.0, c'est des blèmes 2.0. C'est des jalouses 2.0 et des envieux 2.0. Je sais que c'est compliqué, les gens ne te comprennent pas. T'aimerais leur expliquer, mais ça ne se contrôle pas. C'est parce qu'il est comme moi, il est comme moi, que je le veux pas pour toi, je le veux pas pour toi. Et quand je parle dans ta tête, ça rentre par la gauche, ça ressort par la droite, ça ressort par la droite. C'est parce qu'il est comme toi. Toutes tes qualités, t'es dans le faux, je suis dans la vérité. Je vois tous mes défauts, je vois toutes tes qualités, t'es dans le faux.